L'actualité à Nancy et ailleurs. La journée mondiale de la vue aura lieu le jeudi 12 octobre. À Vendeuvre, elle sera marquée par une journée de dépistage et de sensibilisation en présence de plusieurs associations, dont l'association du sport plein la vue. Jean-Michel Concalves, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président de cette jeune association puisqu'elle a été créée en 2014. Est-ce que vous pouvez nous présenter simplement ses objectifs ? Oui, tout à fait. En fin de compte, l'association a été créée pour divertir les déficients visuels, mais c'est surtout les faire sortir et par le biais du sport, leur redonner aussi de l'autonomie dans la vie de tous les jours. Quoi. Voilà, vous étiez trois au départ ? Alors, on était trois, oui. Alexandra, Laurent et moi-même. Et puis on a eu cette idée avec nos chiens qu'on baladait dans la campagne de Nancy. On s'est dit, il manque un peu de sport pour les déficients visuels et c'était un créneau qui manquait, donc voilà, on y a répondu largement aujourd'hui. Quoi. Alors justement, aujourd'hui, votre association compte un certain nombre d'adhérents. Combien participent et suivent votre route ? Une soixantaine d'adhérents sur toutes disciplines confondues. On a alors aujourd'hui, on a 8 sports qui sont représentés sur Nancy. Ça va de la randonnée, de la marche nordique, du yoga cette année, c'est la nouveauté, le yoga, gym relaxation. On a de la quagym, du shodan, c'est un tennis de table pour déficients visuels. Donne aussi enfin l'atelier cuisine. Alors, je le disais en introduction, il y a la journée mondiale de la vue le jeudi 12 octobre, donc à Vendeuvre, au centre commercial des Nations, pourra venir à votre rencontre. Oui, c'est ça. Viens découvrir l'association et l'association recherche toujours des bénévoles au sein du groupe pour encadrer dans les randonnées, les marches nordiques. Un premier point de rencontre, ça peut être ce dimanche 8 octobre, il y a une marche pour la vue au départ de Saint-Max. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, cette randonnée s'appelle la marche de la vue. Elle démarre donc de l'espace Victor Hugo à Saint-Max. Alors la marche de 12 km démarre à 13h30 et celle de 5 km démarre à 14h30. Voilà, vaut mieux s'y rendre une heure à l'avance. On peut s'inscrire sur place, sur internet aussi, sur www.marchepourlavue.com. Très bien, donc ce sera une première étape déjà pour vous rencontrer et parler de l'association. Et après, il y a de nouvelles disciplines que vous proposez au sein de l'association du sport plein la vue cette année ? Alors cette année, on propose la nouveauté, c'est le yoga. Du yoga nidra qui sera fait à la Neuville devant Nancy. On cherche toujours des jeunes qui veulent taper la balle sur l'activité shadow. Et puis sur toutes les activités, hein, gymnastique douce et relaxation. Voilà, il y a toujours de la place un peu partout, sauf à l'aquagym. On est complet, quoi. Mais après, voilà, on peut faire plein de sports avec du sport plein de jeux. On vous retrouve sur Facebook pour suivre votre actualité, et puis pourquoi pas proposer ses services. L'adresse DSPV 54. Bon. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ? Oui, venez nombreux nous retrouver donc à la marche pour la vue dimanche 8 octobre à Saint-Max. Ou alors sur le stand au Galerie des Nations, on sera très heureux de vous accueillir, enfin, nous et les autres associations, parce qu'il y aura d'autres associations, comme la Viage qui sera sur les deux journées. Et celle du 8 octobre, il y a une petite surprise aussi, c'est les Amis des Mangas, pour les personnes aveugles qui veulent découvrir l'univers des mangas, ça va être très intéressant. L'actualité annoncée ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.